Vous écoutez France Culture. Troisième et dernier volet de notre semaine consacrée à l'histoire du sport féminin. Après avoir lundi écouté le témoignage de l'ancienne ministre des Sports Chantal Jouanneau et hier nous être régalé en découvrant le documentaire de Séverine Yatar et de Véronique Samouilov sur Gym Tonic, Véronique et Davina, Toutou Youtou, etc. Nous allons ce matin avec Séverine Yatar qui a préparé cette semaine avec nous, nous demander quand et comment est né le sport au féminin. Et d'ailleurs, doit-on parler encore de sport féminin ou rendre les nuances des expériences diverses des jeunes filles et des femmes, donc entre la fin du 19e siècle et la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Fatia Terfous, elle est docteure en histoire, enseignante et ingénieure d'études à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Et on attend la publication de sa thèse bientôt aux presses du Septentrion, sport et éducation physique sous le régime de Vichy. Cécile Otogali est maîtresse de conférence en histoire du sport au Centre de recherche et d'innovation sur le sport à l'université Lyon 1. Elle a travaillé sur l'alpinisme, femmes et alpinisme 1874-1919, un genre de compromis. C'est sa thèse publiée aux éditions de l'Harmattan. Et Thierry Théré sera avec nous au téléphone. Il a été avec Pierre Arnaud et quelques autres un des pionniers des recherches dans ce domaine du sport féminin. Vous êtes actuellement recteur de La Réunion et auteur d'un livre à paraître aux presses universitaires en décembre, Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle. Et co-auteur également avec Cécile Otogali de l'histoire de l'escrime 1913-2013, un siècle de Fédération internationale d'escrime, paru cette semaine chez Atlantica. Mais commençons cette émission, comme chaque jeudi désormais, par quelques nouvelles d'histoire puisées dans vos journaux et sur le net. Notons tout d'abord que le site de valorisation de l'histoire contemporaine en Bretagne, NNVOR, dont j'ai déjà parlé ici, consacre cette semaine un billet à l'usage des MOOC. Les MOOC, drôle de nom, ces cours universitaires en ligne, furieusement tendance. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, a lancé récemment un portail à l'acronyme aussi festif qu'anglo-saxon, FUN, FUN pour France Université Numérique. L'historien Erwan Legal d'NNVOR a juste testé l'inscription à un de ses modules. Ce module s'appelle la Première Guerre mondiale expliquée à travers ses archives. L'inscription est simple, rapide et gratuite, dit-il, et le programme est alléchant. Les 12 modules seront échelonnés entre le 13 janvier et le 18 avril, estampillés par l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, assurés par des intervenants éminemment prestigieux, écrit donc NNVOR, dont Annette Becker, que l'on ne présente plus, et Valérie Tanière, la directrice de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. Cela peut paraître stupide, dit-il, mais il est toujours valorisant pour un étudiant de suivre des cours donnés par un grand spécialiste, entre guillemets. Bref, Erwan Legal attend le début de l'expérience avec impatience et voit dans ses MOOC un véritable rêve d'université populaire et d'universalisation du savoir à suivre donc. Et puisque nous sommes à Nanterre, notons que cette université a organisé la semaine dernière un atelier dont l'intitulé m'a fait sourire, l'Elevator Pitch Doctoral. Oui, l'Elevator Pitch Doctoral, qu'est-ce à dire ? Eh bien, il s'agit de former des doctorants ou des jeunes docteurs qui viennent de soutenir leur thèse à argumenter et convaincre en deux minutes de l'intérêt de son sujet d'étude, comme dans ces comédies du travail américaines dans lesquelles le ou la jeune stagiaire tente d'expliquer à son patron dans les 45 secondes que dure leur trajet commun dans l'ascenseur pourquoi il faut les embaucher. Cet atelier, animé par un consultant formateur, s'est tenu à Nanterre dans le cadre d'un colloque « Quelle stratégie opérationnelle pour l'emploi des docteurs ?» Une nécessité d'autant plus grande que les universités ne vont pas toutes très bien depuis la loi d'autonomisation. J'avais cité ici même l'entretien du président de Paris 1, Sorbonne, qui s'inquiétait il y a quelques semaines des difficultés financières de son établissement. C'est au tour du président de Saint-Quentin en Yvelines de prendre la parole. Nathalie Braffman, qui suit l'actualité de l'enseignement supérieur pour Le Monde, s'en étonne dans son blog. Jean-Luc Vessière, le président de l'université de Saint-Quentin, n'avait pas pris la plume sur son propre blog pour s'exprimer depuis que les critiques s'étaient abattues, dit-elle, sur son université. Il nous vous avez pourtant habitué à ces positions parfois provocatrices, comme sur la sélection à l'université ou encore la nécessité d'augmenter les frais de scolarité. Mais le mercredi 27 novembre, à 12h49, écrit Nathalie Braffman du Monde, eh bien un mail est venu nous prévenir qu'il était sorti de son silence. Un long post de blog nous attendait, titré « J'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette dignité. » Jean-Luc Vessière a relu ses classiques, dit Nathalie Braffman. Certes, Jean-Luc Vessière ne cherche pas à nier la position financière difficile, 7,2 millions d'euros de déficit pour 2012, dans laquelle se trouve l'université Versailles-Saint-Quentin, mais il dénonce les injonctions contradictoires. Dans les mêmes semaines où le coût de nos enseignements était dénoncé, nous recevions l'ordre d'ouvrir les places supplémentaires dans certaines formations au coût parfois très élevé et que nous tentions justement de contrôler. Lundi 25 novembre, lors d'un point presse, Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, a avancé des recettes surévaluées de 40 millions d'euros sur 3 ans. « Je veux dire clairement que la mise en cause actuelle de notre université est injuste et inacceptable », continue dans ce blog Jean-Luc Vessière. « Je refuse que notre université, qui n'est pas et de loin la seule en situation financière difficile, soit érigée en exemple négatif parce qu'elle est plus jeune, plus fragile et sans doute moins redoutée politiquement que d'autres. » Deux petites nouvelles d'anthropologie pour terminer. Un tweet m'a conduit par hasard sur le site de la Smithsonian Institution de Washington qui vient numériser des centaines de carnets de terrain de chercheurs qui, depuis le 19e siècle, sont partis explorer le monde à la recherche d'espèces animales ou végétales. Mais le plus étonnant, c'est que la plupart de ces explorateurs n'ont jamais oublié d'observer en même temps qu'ils regardaient ces espèces végétales ou animales, les populations qu'ils croisaient. Un site de David Crockett Graham en Chine dans les années 20, ou encore les photographies d'expédition au Brésil de la botaniste et suffragette Mary Agnes Chase. Bref, un formidable travail de mise à disposition des carnets de recherche sur ce site de la Smithsonian Institution. Et enfin, que ceux qui se sont intéressés récemment à notre série sur la Martinique et sur la mémoire de l'esclavage notent que demain, à l'École des hautes études en sciences sociales, au 105 boulevard Raspail à Paris, sera projeté le film Mémoire promise, réalisé par un anthropologue, Gaetano Cercia, et un réalisateur, Jean-Christophe Monferrand, tourné en 2012 au Bénin. Ce film raconte la difficulté de mêler deux mémoires dans ce pays, celle de la traite transatlantique et celle des cultes d'Ivo. Cette projection demain à 17h au 105 boulevard Raspail est suivie d'un débat avec des historiens et des anthropologues. Cécile Autogali, bonjour. Bonjour. Si je vous demande de faire l'élévator pitch doctoral pour votre thèse que vous avez soutenue il y a quelques temps et qui est publiée en 2006 chez l'Harmattan, Femmes et alpinisme, 1874-1919, un genre de compromis, c'est quoi en une minute D'abord, ça va m'être compliqué parce que moi, je n'ai pas été formée justement à ça, parler de façon très concise et très courte. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant qu'on forme maintenant les étudiants à cela. À se vendre, entre guillemets. À se vendre, voilà, effectivement, expliquer. Tout en, quand même, n'oublions pas que, aussi, la caractéristique peut-être du travail universitaire, c'est un autre rapport au temps, et c'est ce temps long qui permet d'appréhender aussi parfois la complexité des choses. Et donc, voilà, il ne faudrait pas non plus que ça nous fasse basculer dans un certain réductionnisme de la pensée. Alors, pour autant, pour revenir à votre question. Si je me prête, effectivement, au jeu, eh bien, ce premier travail, effectivement, qui a constitué mon travail de doctorat, m'a permis de d'appréhender la façon dont les femmes se sont investies quasiment dans la même temporalité que les hommes, donc au 19e siècle, dans des pratiques sportives, qu'on dira pratiques sportives modernes, pour les distinguer de celles du Moyen-Âge et d'autres formes de jeu. Donc dans les pratiques sportives modernes, elles se sont investies quasiment dans le même temps que les hommes. Mais elles ont dû, elles, lutter, combattre pour se faire reconnaître dans ces activités. C'est-à-dire que l'histoire du sport féminin, si on reste pour l'instant sur cette formulation, c'est l'histoire d'un combat, c'est l'histoire d'une lutte. Et petit à petit, elles vont devoir conquérir donc, des espaces de liberté et s'émanciper. Pas mal, comme il est dans le pitch doctoral. Même chose, Fatia Tirfous, s'il fallait résumer votre travail de thèse en deux minutes, comme ça, pour le présenter à nos auditeurs. Alors mes travaux de thèse portent sont construits autour de quatre axes. D'abord sur les politiques sportives menées par le Front populaire et le gouvernement de Vichy, évidemment. Sur les moyens mis en place par les deux gouvernements. Le troisième axe porte sur le degré d'appropriation et la traduction de ces politiques au sein du mouvement sportif. Je pense ici aux fédérations et aux associations. Mmh. Et enfin, le quatrième axe central de mes travaux de thèse porte sur les limites de la politique. Voilà. Des politiques. Thierry Théré, bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous depuis La Réunion, où vous êtes recteur de cette académie. Vous m'entendez ? Bonjour Emmanuel Corentin. Oui, merci, merci d'être avec nous. Vous avez écouté ces petites brèves. Je ne sais pas s'il y en a une qui vous a titillé l'oreille depuis la réunion, que ce soit sur les universités ou encore sur l'élévateur pitch doctoral. Mais tout de même, vous avez été un des pionniers de la recherche sur notre sujet, donc l'histoire du sport féminin, sujet que nous avons traité toute cette semaine. Vous avez travaillé sur ce sujet depuis maintenant une vingtaine d'années, avec d'autres, bien entendu. Alors déjà, posons les bases peut-être de notre discussion. Si on s'intéresse à ce moment-là, à cette histoire-là, il faut commencer quand ? On a dit tout à l'heure avec Cécile Ottogali, à la fin du 19e siècle, la deuxième moitié de la deuxième moitié du 19e siècle, ou est-ce qu'il faut remonter un peu plus haut ? Alors d'abord, faudrait-il préciser s'il s'agit du cas français ou du cas anglais ou du cas allemand, par exemple ? Ah, ça c'est bien. En ce qui concerne, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il y a, on va dire, un demi-siècle d'anticipation sur certaines dynamiques que l'on retrouve sur le continent à la fin du 19e siècle. Mais pour revenir sur la situation française, il faut démarrer dans les années 1880-1890, un moment où l'on dispose des premières, non pas statistiques, mais des premiers chiffres sur la participation des jeunes filles et des jeunes femmes à des activités que l'on qualifierait de gymniques, quand bien même à cette époque, la gymnastique est d'abord une activité masculine, mais c'est l'une des rares pratiques dans lesquelles on trouve des femmes avec des pratiques dans lesquelles elles sont invisibles d'une certaine manière, parce qu'elles sont en haut, je pense à l'aérostation, parce qu'elles sont loin, en montagne, Cécile Ottogali pourra en parler bien mieux que moi, à travers l'alpinisme ou l'excursionnisme, comme on l'appelle à cette époque, toutes ces pratiques qui permettent aux femmes de s'engager dans une activité inédite, mais loin des regards, donc loin des normes de la morale de l'époque. Ce sont les années 1880. Environ. Séverine Yatta. Et au-delà de ça, Thierry Thiret ou Cécile Ottogali, donc vous dites, parce que ce sont des activités loin du regard, donc les femmes peuvent les pratiquer, c'est aussi un moment où on commence à parler d'éducation des filles à un niveau plus élevé. Et puis, ce qu'on perçoit aussi dans ces pratiques sportives, c'est qu'il y a une question de classe sociale. C'est évidemment plutôt les classes bourgeoises et aristocrates qui pratiquent des sports, ces sports. Alors, je ne sais pas, Cécile Ottogali ou Thierry Thiret. Thierry Thiret, Cécile Ottogali. Un point. Alors, d'une part, l'invisibilité est une des conditions de la prime émergence des pratiques féminines, mais il y a, et vous avez raison de l'indiquer, une contrainte sociale extrêmement forte, et il faut de ce point de vue distinguer les fractions bourgeoises de la société des fractions plus nobles, plus aristocrates, parce qu'il y a dans ces deux cas des orientations, des tendances très différentes, pour le dire d'une façon assez simple. Dans la noblesse, on trouve dès cette époque des pratiques mixtes, de tennis, d'équitation, pour répondre que c'est quelques exemples, mais cela ne touche qu'une poignée d'individus. Dans les pratiques qui relèvent de la haute bourgeoisie et d'une certaine manière de la moyenne bourgeoisie, alors on observe ici des pratiques qui sont différentes, qui sont celles que j'évoquais tout à l'heure, pratiques d'excursionnisme, pratiques de gymnastique, pratiques de natation aussi d'une certaine manière. Cécile Ottogali. Oui, c'est une remarque intéressante, celle de la classe sociale, effectivement, de ces premières pratiquantes. Pendant longtemps, on a fait référence à une publication qui était celle du Baron de Vaux, puis qui publiait en 1885, Les femmes de sport. Et dans cet ouvrage, il faisait une série de portraits qui étaient en fait des portraits d'aristocrates qui pratiquaient du golf, de l'escrime, du tennis, etc. Donc effectivement, il y avait cette image-là sociale très, très prégnante. Moi, je sais que lorsque j'ai travaillé sur l'alpinisme, je me suis rendu compte qu'en fait, à la même période, les classes sociales qui investissaient l'alpinisme, c'était plutôt la bourgeoisie intellectuelle, puis un petit peu plus tard, la bourgeoisie d'affaires. Et donc, la plupart des pratiquantes de l'alpinisme étaient femmes d'eux, ou filles de hauts fonctionnaires, médecins, enseignants dans les universités, etc. Donc effectivement, il y a ce mélange entre une histoire des femmes qui est celle plutôt des aristocrates de la noblesse, et puis quand même assez vite, fin 19e, de la bourgeoisie aussi. Et puis on voit cela évoluer progressivement. Mais ce qui est sûr, et pour finir, c'est que les paysannes, les ouvrières, voilà, ne sont pas concernées par les pratiques sportives. Mais question des loisirs, en fait, hein, qui ressemble à ça. Elles n'ont pas le temps, elles sont dans un rapport... Complètement différent production. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, Alors, on peut se poser aussi une question, c'est qu'effectivement, on a l'impression, mais on a évoqué juste ce mot de mixité à l'instant même avec Thierry Théret, qu'il y a un moment un peu flou comme cela, pendant lequel les pratiques sont indifférenciées entre le sexe masculin et le sexe féminin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que justement on est fille d'eux ou femme d'eux, Cécile Ottogali, qu'on peut se permettre justement de pratiquer ensemble un même sport, à savoir par exemple l'alpinisme? Ou est-ce que c'est plus tard qu'on viendra justement à vouloir absolument séparer les sexes pour des compétitions qui seront, à partir du moment où on rentre dans la compétition, qui seront séparées justement sur ce point-là? Alors, ce n'est pas parce qu'on pratique en mixité, c'est-à-dire entre hommes et femmes, qu'on pratique dans les mêmes modalités de pratique. Et sur le cas de l'alpinisme, rentrons dans la complexité. Ah oui, et sur le cas de l'alpinisme, c'est assez facile, hein, parce que tout le monde se représente à cet imaginaire de la cordée, par exemple, pour faire simple. Et je peux pratiquer en mixité, mais pour autant, mon rôle et mon activité sportive n'est pas de même nature si je suis première de cordée ou si je suis seconde de cordée. Et vous ne voyez pas beaucoup de premières de cordée? Ah ben non. C'est curieux, voilà, ça. On a mis le doigt, effectivement, là où... Donc c'est pour ça qu'on peut être en mixité et pratiquer avec son papa, son mari, hein, qui est globalement la situation des femmes de la fin du 19e siècle, et pas du tout faire le même exercice pareil dans le cadre de l'escrime. Les modalités de pratique ne sont pas les mêmes. Thierry Théret, sur ce point? Oui, alors pour sortir un peu de l'alpinisme, prenons le cas de la natation, qui est une activité assez précocement investie par les femmes. Il y a les premiers clubs en France dès les années 1905-1907 à Paris et à Lyon. Ce sont des clubs entièrement féminins, même s'ils sont souvent dirigés par des hommes. Mais leur nombre est tel que les femmes sont en difficulté pour organiser des championnats purement féminins. On se retrouve donc avec, par exemple, dans les traversées de ville à la nage, qui sont extrêmement réputées et nombreuses à cette époque, avec des pratiques qui, de fait, sont mixtes. Mais mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire une cinquantaine de nageurs et une ou deux nageuses. Alors, il est difficile de trouver des enregistrements de la fin du 19e siècle, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de magnétophones. Donc, nous avons donc quelques extraits d'archives beaucoup plus tardifs qui vont peut-être nous permettre de rebondir ou pas, justement, sur cette question de la place des femmes dans le sport. Archives de 1949 tirées des actualités françaises, la petite patineuse et ses parents haltérophiles. Cette jeune personne âgée de 4 ans porte un nom déjà très connu des sportifs. Celui de son papa, Charles Rigoulot, ex-recordman du monde et champion olympique de poids et halter. Danny Rigoulot a choisi un sport où la grâce, l'élégance et la précision sont reines. Voyez d'ailleurs avec quelle audace ingénue elle grave sur la glace du Palais des Glaces les figures classiques du patinage artistique. La famille est inquiète, mais le papa a le sourire. Dans trois lustres, Danny Rigoulot, à l'instar de Sonia Henie ou de Barbara Ann Scott, sera peut-être une fée de la glace. Voilà donc une archive de 1949, avec évidemment le ton de l'époque, mais avec aussi ses préjugés, la grâce, l'élégance pour la petite patineuse. Et ses parents haltérophiles, évidemment, ont autre chose, et en particulier son père, ancien champion. Donc, lui est plutôt baraqué. En même temps, pour du patin à glace, on peut comprendre qu'il y a la grâce, etc. Mais ça permet en tout cas de poser une question, c'est-à-dire est-ce que dans ces années-là, les années qui sont les vôtres, à savoir Cécile Ottogali, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, eh bien, il y a déjà des regards portés sur les qualités particulières qu'auraient les femmes, les sports particuliers qui seraient dédiés aux femmes par rapport à ceux qui seraient naturellement des sports masculins, en l'occurrence. Alors, il y a une représentation effectivement assez claire du corps féminin, du corps de la femme, et là volontairement j'emploie le singulier, la femme, bien qu'on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, la femme n'existe pas, il y a des femmes. Alors, on est à la fin du 19e siècle complètement dans une représentation qui se veut unique et figée, qui essaye de renvoyer justement la femme à une espèce de nature, d'idéal. D'essence, d'idéal, effectivement. Et cet idéal tourne autour de deux piliers, hein, qui est la femme est un sexe, il se réduit à son sexe. C'est l'historien Edward Shorter, en 1984, qui avait utilisé cette expression, la femme est utérus, pour dire, voilà, pour faire simple, à quel point effectivement toutes les caractéristiques, tous les développements tournent autour de son sexe et de sa fonction, la reproduction. Donc, en fait, encouragé par tous les discours médicaux. Tous les médecins, philosophes, anthropologues de la fin du 19e, qui réduisent absolument la femme à cette caractéristique. Et le sport n'échappe pas à ça. Et donc, effectivement, les injonctions qui sont faites à l'égard des sportives sont des injonctions de préparation à la maternité. C'est-à-dire qu'on attend d'elles d'avoir un rapport, une pratique modérée, contrôlée, pas trop d'intensité pour pas perturber leurs organes. Et donc, se préparer hein, à leur future fonction, en tout cas telle qu'on se la représente à l'époque, qu'est la maternité. Thierry Théret, sur ce point. Oui, le périmètre dans lequel les femmes sont plus ou moins autorisées à pratiquer est circonscrit à la fois par ce volet qui se situe quelque part entre eugénisme et hygiénisme, mmh. et d'autre part, à travers des contraintes d'esthétisme. En d'autres termes, les femmes peuvent pratiquer des activités si on subodore de cette activité, qu'il y aurait un impact sur leur grâce, leur esthétique, autrement dit leur capacité à plaire à un futur mari, ou si ces mêmes activités peuvent avoir un impact favorable à leur fécondité, à la qualité de leur grossesse, au nombre d'enfants qu'elles auront, etc. Mais comment on peut déterminer ça Mais comment on peut déterminer justement ces activités qui seraient favorables ou défavorables justement à leur maternité, à leur grossesse, etc. Ce sont des médecins qui disent voilà, cette activité est bonne pour la femme et cette activité sportive ne l'est pas. Vous avez tout à fait raison. Les premières pratiques féminines sont contemporaines des premiers travaux sur les activités physiques des femmes par les médecins. Alors, il y a un monde, bien sûr, entre la production scientifique et la dissémination de ces connaissances. Mais il y a des, non pas des allers-retours, mais une certaine similarité des regards portés à la fois par les scientifiques et plus généralement dans l'opinion par la bourgeoisie. Et cela se traduit par une dichotomie très nette entre les pratiques que l'on juge féminines, nous les avons déjà évoquées, et celles pour lesquelles on estime que les femmes ne sont pas faites. Mmh. Et il faut notamment évoquer le cyclisme, parce qu'il y a, à la fin du 19e siècle, des femmes qui font du vélo et qui sont totalement vilipendées. Il y a convergence ici des critiques entre les médecins, la presse, les éducateurs, les hommes politiques qui suivent. Bref, l'opinion est entièrement contre les femmes qui montent à vélo pour des raisons que Cécile Ottogali a bien évoquées, qui sont à la fois morales, sexuelles et esthétiques. Séverine Attard. Et justement, Cécile Ottogali, ce qui est intéressant dans le cas de l'alpinisme, qui a priori n'est pas un sport féminin, par exemple, comme la gymnastique ou après, plus tard, peut-être le patin à glace, c'est qu'il y a tout un discours qui réélabore justement toutes les vertus que peut avoir donc, l'alpinisme pour les femmes au niveau de l'hygiène, hein, un corps sain, un corps. Pour que ces femmes puissent devenir des bonnes mères et de bonnes citoyennes. Mais comme vous le disiez, tout en maintenant un discours toujours très différencié, hein, évidemment, avec les hommes. Ce qui me semble important de préciser, c'est que le sport en soi n'a pas de sexe. Quand on dit l'alpinisme, sport masculin, le sport en soi n'a pas de sexe. Par contre, les dirigeants sportifs, l'organisation, l'ensemble des discours qui sont portés sur les activités et qui amènent à faire des choix de réglementation, qui amènent à diffuser à un moment donné et à organiser les pratiques sportives, eux sont imprégnés d'une représentation divisée des sexes, d'une représentation sociale divisée des sexes. Et du coup, effectivement, les activités se chargent de par les discours et de par les organisations qui sont mises en place, effectivement, de certaines connotations. Alors, l'alpinisme est imprégné des valeurs de la masculinité, hein, héroïque, etc., tout au long la du force, 19e siècle, etc. Pour autant, les femmes vont être intégrées dans ces pratiques-là. Au club alpin français, elles sont intégrées. Dans le monde de l'escrime, elles sont intégrées aussi très, très tôt. Il y a des femmes maîtres d'armes, etc. Mais lorsqu'on parle de l'activité de ces femmes, on en parle avec un discours approprié, c'est-à-dire prenant la modération, l'esthétisme, la grâce, etc., pour des finalités donc maternantes, comme on a évoqué. Par exemple, pour l'escrime, en vous lisant Cécile Ottogali et Thierry Théret, on apprend par exemple que, d'abord, on veut leur mettre des jupes aux femmes. Évidemment, elles n'ont pas le droit d'avoir une sorte de pantalon comme les autres les escrimeurs. Et puis, par ailleurs, on leur interdit la pratique de l'épée dans un premier temps, parce que l'épée, ça ne va pas, ça correspond plutôt à un domaine masculin. Et là, on est dans le domaine de l'imaginaire des hommes. Ce sont les hommes qui décident. On ne sait pas très bien pourquoi ils décident que le fleuret, c'est oui, et l'épée, c'est non. Voilà, tout à fait. Donc, fin du 19e, vous l'avez bien résumé. Hein, les femmes, l'escrime peut être une pratique de développement, une pratique intéressante, à condition qu'elle soit pratiquée dès demain, pour pas développer un dimorphisme, voilà. Elle doit être pratiquée avec modération, elle doit être pratiquée en étant très sensible à la tenue, mais alors la tenue à tous les sens, hein, la tenue morale, la tenue posturale, la tenue vestimentaire, et donc elles doivent porter la jupe. Et on voit que tout au long de l'évolution des réglementations, mais il y a énormément de débats, hein, pour pas céder trop vite, alors que les femmes, elles, demandent à porter la culotte, demandent à pratiquer l'épée. Dès la fin du 19e, des femmes pratiquent le duel et l'épée. Thierry Théret, mais est-ce que des femmes critiquent d'autres femmes qui font du sport ou qui s'adonnent à ce sport? C'est-à-dire, est-ce que c'est une simple critique, une imposition de la société masculine, de la domination masculine sur ces femmes, ou est-ce qu'il y a aussi, à l'intérieur donc de la société, et en particulier dans d'autres secteurs de la société où il y a des femmes, eh bien une critique interne, justement, entre femmes de cette pratique sportive? Alors, d'une part, lorsque le sport est inventé, entre guillemets, il est inventé par des hommes, pour des hommes, avec des organisations et des réglementations pensées pour répondre aux caractéristiques des hommes. Les femmes tentent de pénétrer cette citadelle masculine. Elles y parviennent, on l'a vu ici et là dans quelques activités. Mais ces obstacles et d'une certaine manière tous les stéréotypes qui les empêchent d'être en plus grand nombre dans les activités sportives sont très largement partagés par la société, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des femmes. Et même si l'on prend la frange la plus militante des femmes, et on sait que la première vague féministe, c'est précisément la Belle Époque, même si l'on prend donc la frange la plus militante, la plus féministe des femmes, la question sportive est relativement peu abordée. Mmh. En Allemagne, à Mayence, le catch féminin connaît le succès. Encore que les maris soient un peu inquiets de cette nouvelle offensive du sexe prétendu faible. Le crêpage de chignon est recommandé. Pour remplacer le rôti, rien de tel qu'un pouce de pied bien dodu. Anthropophagie pas morte. Le tigre blond et le chat sauvage se font des prises d'une orthodoxie relative et l'arbitre doit intervenir. Le tigre blond va rugir, mais un coup de tête à l'épigastre le met au sol. Le tigre blond va-t-il tuer sa rivale? Non, comme un bébé, une bonne fessée. Et puis, voici des fleurs acceptées avec féminité. C'est pas mal comme condensé de stéréotypes, hein, quand même. Depuis le crépage de chignon et la fin avec les fleurs acceptées avec féminité, Cécile Ottogali, en 45 secondes, on a ce qu'il nous faut, à peu près, ou en 53 secondes. Ça date de 1949 et c'est un combat de catch féminin dans les actualités françaises. Comment progressivement, justement, entre la Belle Époque, dont on parlait juste avant avec Thierry Théret, et puis l'entre-deux-guerres, eh bien, on gagne comme cela en France et ailleurs, et grâce peut-être quelquefois au soutien d'autres pays, comme l'Angleterre pour l'escrime, qui joue un rôle visiblement très important. Le Danemark pouvoir, aussi. Ou le Danemark, pour pouvoir donc dire il faut que les femmes puissent participer à des compétitions internationales. Comment on gagne progressivement, justement, dans ces domaines-là, d'autres terrains, et on arrive à imposer du sport au féminin? Eh bien, au prix de plusieurs luttes, hein, on l'a dit tout à l'heure. Généralement, les choses se font à petits pas. Hein. La plupart du temps, les sportifs sont à la fois, elles intègrent ce milieu masculin, donc parfois... les cas sont assez différents, en fait. Il y a des activités où les femmes sont présentes dans les activités dès la fin du 19e siècle. Là, elles avancent à petits pas, c'est-à-dire qu'elles font des compromis entre les injonctions normatives qu'on leur dicte, et puis cette émancipation qu'elles découvrent, en fait, par exemple, dans le cas de l'alpinisme, elles vont d'abord grimper avec leur mari et avec leur frère, et puis petit à petit, elles vont prendre un guide et partir sans mari, sans tutelle familiale. Et puis un jour, elles vont se tenter sans guide. Donc, voilà. Mais dans les activités où elles ne sont pas intégrées, hein, par exemple l'athlétisme ou d'autres pratiques sportives, eh bien les femmes vont essayer de s'autonomiser et donc de créer leur club et leur fédération. Alors bien sûr, on pense en 1917 à la Fédération des sociétés féminines sportives de France, qui sera présidée par Alice Milia et qui est une des premières formes, voilà, d'organisation autonome d'un sport féminin. On veut pas de nous à l'extérieur dans certaines fédérations, eh bien organisons-nous ? Voilà un petit peu comment on pourrait caractériser cette initiative d'Alice Milliat. Et puis la question alors des Jeux Olympiques aussi, qui est importante, parce que là, les femmes se regroupent dans des fédérations féminines, et puis institutionnellement, socialement, si elles arrivent enfin à participer aux Jeux Olympiques, c'est pas qu'il y a une certaine mixité quand même obligée. En tous les cas, on reconnaît la compétition féminine. Alors, à quel moment quels sont les discours, les discours et les problématiques posées justement sur la participation des femmes aux JO ? Je crois que ça a été très très polémique. Alors, ça fait effectivement débat. Cécile Ottogali, puis Thierry Théret. Ça fait débat, hein, le CIO, et on connaît les positions de Pierre de Coubertin à l'égard effectivement du sport féminin, qui sera donc défavorable à l'intégration d'une pratique sportive faite par les femmes. Pour autant, on va commencer à voir autour de 1912 des démonstrations aux Jeux Olympiques, en tennis, en natation. Et puis, c'est surtout dans l'après-guerre, 1924, on a trois pratiques sportives qui sont présentes aux Jeux Olympiques de Paris, que sont donc la natation, le tennis et l'escrime, le fleuret féminin, pour la première fois en 1924. Mais ça fait l'objet de débats. Pour rester sur le cas de l'escrime, en fait, c'est l'intégration des femmes est le résultat d'un malentendu entre une décision que la Fédération internationale pensait avoir le pouvoir de prendre et qu'elle prend, le CIO qui pensait que il fallait retarder la décision. Bref, elles arrivent, mais sur la base d'un quiproquo, en fait. Thierry Théret, sur ce point. Oui, je crois qu'il faut aussi évoquer le contexte de la Grande Guerre qui a joué un rôle déterminant pour comprendre dans quelle mesure et dans quelles conditions les femmes ont pu créer des institutions qui étaient d'abord féminines avant de rejoindre les institutions sportives masculines. Parce que la Grande Guerre, et en France notamment, a certes provisoirement, mais de façon importante, contribué à partager, diviser les communautés masculines et féminines, et surtout à offrir une sorte de fenêtre d'opportunité à des femmes qui, pendant quelques années, n'étaient plus accompagnées de leur mari ou de leur frère, voire de leur père, et se sont essayées à différentes activités, dont les activités sportives. C'est d'ailleurs entre 1914 et 1917 que se créent en France les principales sociétés sportives. Elles sont en nombre certes encore restreint, mais suffisamment importantes pour générer la première fédération sportive féminine, Cécile Ottogali l'évoquait. Donc à la sortie de la guerre, certes, il y a un mouvement de retour sur la question des stéréotypes et les oppositions frontales que l'institution sportive masculine oppose aux velléités féminines, mais puisque ces institutions féminines existent localement dans les sociétés et nationalement, voire internationalement grâce à l'action d'Alice Milliat, les fédérations masculines vont devoir céder. Elles vont devoir céder parce qu'elles ne peuvent pas se laisser développer en parallèle un sport des femmes, ouais, sans essayer de le récupérer. Et cette récupération se produit, alors selon les cas, en gros entre 1921 et 1936. Alors, 1936, c'est un chiffre que vous connaissez bien, Fatia Terfous, vous n'êtes pas encore intervenu dans ce débat. Ce qui nous intéresse aussi dans cette question-là, c'est de savoir s'il y a politiquement des regards différents portés sur ce sport au féminin, à gauche et à droite. Et vous avez travaillé, vous, dans votre thèse, justement, sur les politiques qui étaient menées, politiques donc sportives et d'éducation physique menées sous le Front populaire et puis ensuite sous le régime de Vichy. Est-ce qu'on peut dire que dans ces années d'entre-deux-guerres, justement, on voit apparaître des regards différents à gauche, au Parti communiste, au Parti socialiste, à la SFIO à l'époque, et à droite, ou pas du tout, quant à cette pratique sportive des femmes, justement ? Alors, entre 1936 et 1939, la politique sportive a été élaborée autour de trois grandes finalités. Des finalités hygiénistes, évidemment, retour à la santé, régénération de la race. Une finalité aussi hédoniste, il s'agit avec Léo Lagrange de redonner la joie aux travailleurs, mais également le plein air, exactement, procurer à la jeunesse des loisirs sains, etc. Et enfin, la troisième finalité que l'on voit émerger, en tout cas au travers de cette politique, elle concerne la dimension sociale, puisqu'il s'agit, grâce à la pratique d'élargir du sport, et éventuellement, oui, exactement, donc c'est-à-dire d'atteindre la masse, mais aussi de lutter contre les fléaux sociaux, c'est ça que j'entendais par finalité sociale. Mais au-delà de ça, au niveau de la catégorie, vous avez raison, Léo Lagrange tente, en tout cas avec sa politique, de diffuser le plus largement possible le sport, et notamment aux catégories, on va dire, entre guillemets, les plus défavorisées. Et la place des femmes dans justement cette politique du Front populaire pendant cette période-là ? Dans les discours et la législation, on ne retrouve pas d'éléments spécifiques de valorisation liés aux femmes ou de dénigrement de ce sport au féminin. La politique s'adresse sans distinction aux deux sexes, mais les historiens sont assez mitigés quant à l'interprétation qu'on peut faire de cette absence de discours propre aux femmes. Cette neutralité, elle signifie d'une certaine manière... Exactement, c'est assez ambivalent. Exactement, soit on renforce l'invisibilité des femmes puisqu'on est totalement indifférent à la pratique sportive des femmes et des jeunes filles, ou soit on considère qu'il s'agit d'une égalité de fait, mais qui, de mon point de vue, serait une égalité strictement apparente. Mmh. En tout cas, pour ce qui concerne les discours politiques et la législation, on ne retrouve pas de distinction, de choses différentialistes, des éléments différentialistes entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est pour la gauche, mais cette droite est très active aussi pendant la droite, et les partis conservateurs sont très actifs pendant ces années 30. Ils vont être à l'œuvre ensuite avec le gouvernement du maréchal Pétain après la défaite, donc en 1940. Qu'en est-il de cette droite et que dit-elle que ces partis conservateurs, que disent-elles justement de cette pratique féminine ? Est-ce que vous avez trouvé là aussi soit un dénigrement, soit une valorisation de ces pratiques féminines ? Alors, personnellement, je n'ai pas travaillé sur les discours des partis de droite à propos du sport féminin. Mmh. En revanche, je me suis attardée sur les discours médicaux et les commentaires journalistiques. Et effectivement, on voit que, paradoxalement, hein, et malgré les avancées des femmes dans certains domaines, notamment en raison des circonstances de la Première Guerre mondiale, les discours médicaux et les commentaires journalistiques tournent toujours et systématiquement autour de représentations traditionnelles des femmes. Mmh. Il s'agit dans ces discours de diffuser une pratique féminine adaptée à leurs caractéristiques physiologiques, psychologiques. Bien sûr, les finalités sont orientées vers l'esthétique, la grâce, la beauté. Dit autrement, il y a une certaine logique, enfin du moins une certaine diffusion de la pratique sportive liée à la modération, à la modernité, à l'esthétique, aux caractéristiques et stéréotypes les plus traditionnels. D'une certaine manière. Finalement, c'est ce que j'allais dire. Rien n'a changé à partir de 1936, hormis, il faut quand même nuancer, hormis dans le discours politique qui, lui, n'intègre pas de dimension différente, ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Alors, tout de même, ça veut dire que tout ce travail mené par Alice Milliat, qui est quand même une héroïne, cette cause justement du sport au féminin, n'a pas porté véritablement ses fruits. Si on écoute ce que nous dit Fatia Terfous, on se dit, ouais, voilà, tout compte fait, elles travaillent dans leur coin, elles font leur travail, elles développent des idées, elles disent, il faut aider à la pratique et à la diffusion de cette pratique. Et puis, au bout du compte, les gouvernements ne les entendent pas vraiment. Du moins en France, en l'occurrence. Vous êtes d'accord, Cécile Ottogali ? Alors, c'est sûr que sous Vichy, vous évoquiez tout à l'heure cette période, on a effectivement un retour des valeurs traditionnelles. Travail, famille, patrie. Mmh. Et derrière famille, bien sûr, il y a une division sexuée des rôles qui est très clair. Donc là, il y a un durcissement, un retour à l'éternel féminin, où effectivement, on voit bien que la sportive doit de nouveau incarner cette future mère, etc., etc. Bon, pour autant, pour revenir à votre question aussi, les choses avancent, parce qu'en fait, les sportives, elles avancent, elles s'émancipent. Hein, au-delà du discours, bien sûr, au-delà des discours, au-delà des injonctions normatives, elles s'émancipent. Et elles vont effectivement découvrir le basket, l'athlétisme, la course, elles vont, grâce à ces pratiques sportives, vraiment j'insiste sur grâce à ces pratiques sportives, découvrir des potentialités physiques, de nouvelles formes de sociabilité. Elles vont, des façons d'être entre soi parfois. Des façons d'être effectivement entre soi, mais aussi d'être en confrontation avec d'autres. Et c'est vraiment comme ça, sur le terrain, en fait, hein, que leur émancipation va se faire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait se demander aussi, Cécile Ottogali, dans quelle mesure la pratique du sport amène à un militantisme, entre guillemets, hein, parce que je crois que ce n'est pas un militantisme très actif féministe, hein, enfin la prise de conscience donc, de l'inégalité entre hommes et femmes et la volonté, justement, de militer en faveur d'une égalité. Alors, je parle d'émancipation. Effectivement, pour autant, le pas avec un militantisme de type féministe, eh bien, il n'est peut-être pas si évident que ça. Parce qu'il y a une sorte de féminisme en acte. C'est-à-dire qu'effectivement, elles luttent pour leur droit à pratiquer. Voilà, leur droit à pratiquer, tout simplement. Et donc, et ça prend des formes variées dans les activités, mais elles luttent vraiment. Pour autant, rares sont les sportives à s'engager dans des causes féministes explicites. Donc c'est pour ça que je me permets de parler d'un féminisme en acte à travers effectivement leur action. En alpinisme, une alpiniste, Stéphanie Bullock, a effectivement porté sur un sommet, je ne sais plus lequel, mais a porté un drapeau mettant en avant les droits, la conquête des droits des femmes. Mais il y a de rares... Ce sont des exceptions. Oui. Thierry Théret. Oui, alors il faut aussi regarder un peu de l'autre côté des frontières. Oui, on est très centré sur la France, là. Oui. Et encore plus au début des années 40. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste glorifient, et c'est nouveau dans ces pays, glorifient le corps féminin à travers différentes expressions, dont l'expression sportive. Et les Jeux Olympiques de Berlin jouent de ce point de vue un rôle extrêmement important. Alors, du côté français, on regarde, il y a une sorte de fascination hein, pour ces modèles de corporéité qui sont des modèles actifs. Sportif ou non, ou unique, hein, mais il y a une sorte de fascination, notamment de la droite et des médecins les plus conservateurs, comme le docteur Boisget par exemple, mais tout cela, qui aura des retentissements sur la politique de Vichy à l'égard du sport masculin comme féminin, n'est bien sûr pas affranchi de considérations eugénistes qui éclatent évidemment en Allemagne et et en Italie, et dans une moindre mesure en France. Alors, il faut venir avec vous, Fatia Terfous, sur une personnalité connue pour d'autres engagements après-guerre, mais que j'ai découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir Marie-Thérèse Eckhem. Alors voilà, Marie-Thérèse Eckhem, connue de tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire du socialisme après la Seconde Guerre mondiale, mais qui, dans ces années de guerre, donc, est chargée dès 1940 par Jean Borotra, donc, le secrétaire d'État ou le ministre des Sports de Vichy, donc, encadrer, créer une sorte de doctrine sportive féminine spécifique. Elle est d'origine chrétienne, catholique, et donc elle a une vision très particulière qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire qu'elle veut à la fois développer le sport, mais dans une vision, par exemple, où ce sport féminin resterait sous la coupe des hommes pour l'organisation, la façon de mettre en place les structures de ce sport féminin qu'elle veut pourtant développer. On soupçonne quand même que Marie-Thérèse Eckhem ait des rapprochements avec le milieu catholique, puisqu'elle est quand même secrétaire du rayon sportif féminin, bien sûr, regard, c'est ce que je dis, voilà. Et que son recrutement se fait, en disant, par a priori, par cet intermédiaire. Donc, on connaît plus ou moins la trajectoire de Marie-Thérèse Eckhem au gouvernement de Vichy, donc. Et effectivement, Marie-Thérèse Eckhem, c'est la grande figure du sport féminin, entre guillemets, entre 40 et 44, puisque c'est la première fois qu'une femme est nommée directrice des sports féminins. Donc, on pourrait considérer ça comme une grande avancée. Sauf que si on s'attache à la conception du sport féminin de Marie-Thérèse Eckhem, elle est encore une fois rattachée à les stéréotypes les plus répandus, c'est-à-dire que la pratique des sports doit permettre aux femmes de développer leurs capacités physiques, morales, mais également spirituelles, et la dimension, on va dire, maternelle figure encore hein, dans ses intentions. Oui, elle écrit, je crois, quelque part, tu aimes le stade, mais préfère lui la maison quand même. Exactement. Donc les visions un peu particulières. Oui, exactement. Mais c'est un paradoxe effectivement. C'est cette volonté de Vichy de vouloir replacer constamment les femmes au foyer et à la fois leur offrir certains espaces publics hein, de pratique, puisque le sport fait quand même partie du domaine public. Et c'est vrai que c'est un paradoxe qu'on relève sous la période de Vichy. Mais cela étant dit, Marie-Thérèse Eckhem, certes, milite en faveur du sport féminin au cours de la période 40-44, mais elle établit une politique sportive qui est quand même assez stricte et assez conservatrice, dans la mesure où elle interdit l'entraînement mixte, qu'elle refuse que les femmes s'exhibent sur les stades, que certaines tenues vestimentaires sont obligatoires, entre guillemets, quoique la réalité est les temps, le contexte. Oui, voilà. Voilà, il y a quand même un décalage entre effectivement les intentions politiques et la réalité des pratiques, effectivement. Cela étant dit, de nouveau, deux interprétations possibles de la politique de Marie-Thérèse Ekem. Soit on considère que sa politique est élaborée dans une visée émancipatrice, entre guillemets, ou alors dans une visée plutôt conservatrice. Alors ça, c'est toujours intéressant, parce que quand on s'intéresse à cette histoire du sport au féminin, on va peut-être venir d'ailleurs sur la définition, Cécile Otogali, on voit toujours cette ambiguïté entre émancipation et conservation de modèles antérieurs. Et on ne sait jamais très bien comment se passent les frontières. On voit bien que la complexité du travail de l'historien nécessite justement de beaucoup de finesse dans la lecture des documents. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de cette dualité toujours ? Est-ce que le sport a émancipé justement, comme vous le disiez tout à l'heure, des femmes qui les pratiquaient parce que ça leur permettait d'avoir un espace à elles d'une certaine façon par rapport à l'espace qui leur était donné par les hommes ? Ou est-ce qu'au contraire, dans ces pratiques, on a toujours cherché à les maintenir dans un domaine particulier en évitant qu'elles n'aillent là où elles voulaient? Les deux, j'ai envie de dire. Les deux, mon général. Systématiquement, les deux. Et voilà, on est vraiment dans un système qui implique... Ambigu. Ambigu, où il y a une domination et puis où il y a une réaction à cette domination, en sachant que justement, il ne faudrait pas non plus être trop manichéen. On n'est pas forcément dans quelque chose qui contraint absolument. Le titre de ma thèse, c'était un genre de compromis, parce que justement, j'ai essayé de montrer que les choses se font de façon parfois assez fine. Les systèmes de contraintes sur les femmes ne sont pas forcément toujours de l'ordre de l'exclusion. On est sur des discriminations, des formes de discrimination, bien sûr, mais qui peuvent prendre des formes très variées. Thierry Théré, il y a donc une quinzaine, un peu plus de 15 ans, vous aviez publié avec des textes avec Pierre Arnaud chez l'Harmattan, dans la collection Espace étendu sport, qui s'appelait « Histoire du sport féminin ». J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on hésitait quelquefois à utiliser ce terme de sport féminin que nous avons donné à notre semaine. Ça veut dire qu'on a évolué là aussi dans la recherche sur les qualifications à donner à ces pratiques sportives des femmes entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui ? Absolument. Les réflexions sur cet objet ont évolué en même temps qu'évoluaient les considérations sur les théories du genre, pour le dire de façon assez rapide. Il n'y a pas, ça a été rappelé par Cécile Otogali, il n'y a pas de sport féminin. Il y a des activités sociales qui sont connotées, autrement dit, qui sont porteuses de valeurs que le groupe dominant du moment leur attribue. Prenez le cas du football aujourd'hui, qui est saturé en connotation masculine dans une large part du monde, mais aux États-Unis, cette connotation est totalement différente, parce que la pratique est davantage féminine que masculine. Donc, il n'y a pas d'activité qui soit en soi masculine ou féminine. Et donc, sur ce point, Cécile Otogali, justement ? Oui, moi, je partage totalement le point de vue de Thierry. Pour moi, on a, avec cette formulation, le sport féminin, une dimension très réductrice. Hein. On a un pouvoir généralisant, là, comme si on parlait effectivement... Mettez-vous à la place du médiateur que nous sommes. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on fait une semaine sur ce sujet-là ? Ce que les premiers travaux d'histoire, effectivement, ont montré, c'est qu'on a l'histoire d'une assignation à la féminité. Voilà, ça c'est sûr. On peut imaginer que derrière cette formule sport féminin, il y a l'histoire de toute cette assignation-là à la féminité par la beauté, etc., et le corps maternant, on n'y revient pas. Je crois qu'aujourd'hui, il est important de questionner le pluriel, c'est-à-dire l'histoire des sportive, hein, on essaye de faire l'histoire des femmes. Donc ça veut dire qu'on a des entrées par discipline. Il n'y a pas une histoire qui permet, dans un sport qui permettrait de parler de tous les sports. Il faut privilégier les entrées par discipline, par nation aussi. Et puis, il ne faut pas oublier, je reviens à ce qu'on a évoqué en début d'émission, le critère social, c'est-à-dire des femmes avec des situations sociales très diversifiées. Catherine Louveau, qui est sociologue du sport, qui est très attentive à ces questions-là. Et aujourd'hui encore, on sait que c'est principalement chez les cadres moyens qu'on trouve un taux de pratique sportive le plus important. Mais qu'est-ce qu'il en est des femmes des conditions sociales un peu plus défavorisées? Il y a eu, je crois, aussi un... Cécile Cécile Autogali, un renouvellement aussi des recherches sur la question de l'éducation à l'école, enfin l'éducation au sport. Il y avait déjà eu une première histoire hein, sur les filles et le sport à l'école. Et là, il y a un renouvellement qui pourrait permettre justement de comprendre pourquoi il y a toujours cette différenciation de pratiques sportives, parce que peut-être que ça commence dès le plus jeune âge, en fait. Oui. Oui, oui, tout à fait. On a cette histoire d'une assignation à la féminité, elle concerne aussi l'école. C'est-à-dire que pendant longtemps, en éducation physique, on a cantonné les femmes dans une forme de pratique bien spécifique, qui est la gymnastique, une gymnastique même harmonique, rythmique, où en fait, ce qu'il fallait, c'était vraiment par cette forme de gymnastique développer un corps gracieux, esthétique, etc. C'est au moment des années 70-80, alors que les sports rentrent dans la leçon d'éducation physique, les sports vraiment deviennent un élément en éducation physique de la construction d'un autre corps. Pour autant, on sait encore qu'en éducation physique, autour de la question sportive, il y a toujours des assignations, des divisions qui continuent à se reproduire. Je note la publication dernièrement par le Centre PS et Société d'un numéro spécial de leur revue, qui était la revue Contre-pied, sur la question de l'égalité, justement, dans les pratiques physiques et sportives. Et là, on voit bien comment, aujourd'hui, des enseignants, des chercheurs, vraiment essayent de questionner cela hein, et d'utiliser le sport pour construire l'égalité. Et demain, donc, nous allons changer de sujet puisque c'est une émission d'Histoire Actualité et nous traiterons, on a découvert ça en lisant cette bande dessinée, de cette personne qui s'était pendant la Première Guerre mondiale travestie pour échapper à la Première Guerre mondiale. Il était devenu une femme, il vivait avec sa femme pendant la Première Guerre mondiale travestie, effectivement, et il avait remporté un championnat de parachutisme féminin, donc en passant pour autre chose qu'il n'était, ce qui rend effectivement la situation bien plus complexe qu'on le croyait. C'est donc demain dans la Fabrique de l'Histoire. Merci en tous les cas à vous, Cécile Autogali, d'être venue nous parler. Femme et alpinisme, c'est paru il y a maintenant 6 ou 7 ans aux éditions de l'Harmattan, mais on peut le trouver 1874-1919, un genre de compromis. Cette semaine vient de paraître sous votre signature ainsi que celle de Thierry Terret, une histoire de l'escrime 1913-2013 à l'occasion d'un siècle de Fédération internationale d'escrime. C'est chez Atlantica. Pour votre part, on attend vraiment avec impatience votre travail de thèse, Fatia Tirfous, qui doit paraître aux presses du Septentrion, sport et éducation physique sous le régime de Vichy. Et quant à vous, Thierry Terret, on peut également lire bientôt, parce que ça va paraître en décembre, donc un livre aux presses universitaires de Rennes, Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle. C'est exactement au cœur de la fin de notre discussion en particulier. Merci à tous les trois d'être venus ici, tous les trois et toutes les trois. Comment ne pas terminer avec Jane Fonda, Jane Fonda pour cette émission, donc cette semaine consacrée au sport au féminin. Donc en l'occurrence, on peut réécouter aussi le documentaire signé Séverine Attard et Véronique Samouilov, où elle était évoquée, cette Jane Fonda, à l'occasion de ce documentaire sur Jim Tonic et Véronique et Davina. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Demain, nous retrouverons Séverine et moi d'ailleurs du côté de Marseille pour les rencontres d'Averroès. Now hop and kick, hop and kick, right and kick, left and kick, right and kick, left and kick, and clap and breathe.